Au lieu de chant de shining, when he make a move, we gonna dance in free. Bolama deglulen, bolama deglulen. Bopo sa bopo, ndax sa mboka moy sa gideo. Dima la khalaté, ni ma la gissé, non la la khalé. Loma yene, lo la la wara yene. Nicolas Sarkozy baye sa ni nga taxawé, baye sa li ngay wax né parce que ñun mënon ci suñu doro, waro ñu mëna stoppé. Ñu na dañ fi ñëw wax suñu gaday, bës boy xam di nga xamalé, li xéen ñu na nga yaw lu gëtt di jéko, wala bok nak bolomi. Tay ak sama waxtaan ak téem. Bula xiro checké, bu na xiro checké, bu na xiro joké, bu na joké sa mola sama waxtaané, li ma xam tay li ma yene moy li ma gis tay motax ma yene la au lieu de chant de shining when he make a move we gonna dance in free Nicolas Sarkozy tu ne peux pas nous sauver. Ça c'est le cri de mon peuple, l'Afrique unie. Hey, tu ne peux pas nous stopper. Ah. Hey, tu ne peux pas nous stopper. Ah.